Doublette suivante, toujours dans l'aspect française, Existence, tout d'abord, Existence, c'est un groupe de heavy qui nous vient du nord de la France, existant depuis 2008. Ils sortent là sur leur quatrième effort studio. Alors on n'est pas sur le même style de heavy comme on a pu avoir ces derniers temps, Tentation ou Herzl, mais on est sur un heavy un peu plus moderne, notamment au niveau du son global. C'est assez mélodique, c'est chanté en anglais, à l'opposé de Tentation ou Herzl. Et à noter que l'accent du chanteur, il fait bien le taf, du coup c'est pas ridicule comme on peut avoir sur certaines autres formations où ça fait vraiment trop franchouillard. Et musicalement ça tient la route, ce nouvel effort studio de Existence. Pour rappel, il s'intitule Wolf Attack, donc on est sur quelque chose d'ultra traditionnel mais bien efficace. Preacher of Insanity, c'est le titre qu'on s'écoutera. Et dans la foulée, Créature, là on est sur un one-man band black metal. Ça nous vient de Bretagne, et voilà encore une formation black française bretonne. Déjà également le quatrième effort studio, le groupe sort, enfin, one-man band, pardon, l'artiste, sort un album par an depuis 2018, très productif, très qualitatif, texte en français. Plutôt bien articulé, donc compréhensible, et musicalement, les compos sont ultra riches et variés, avec un très très bon niveau technique, sans encore une fois tomber dans la démonstration lassante. Créature, donc Éloge de l'ombre, une sortie sans surprise sur le très bon label High Wiringer Records. C'est prévu pour le 12 novembre et on s'écoutera le titre Conscience mécanique. C'est parti, Existence et Créature. Saints Doublette suivante et clôture de l'aspect française, Bishop, tout d'abord, groupe qui nous vient de l'est de la France, de Metz plus particulièrement. Ils sortent là un premier album éponyme. On est sur un crossover entre du sludge bien crado, du post-hardcore et des éléments black. Un album de 6 titres, de 4 titres, pardon, des morceaux assez longs, justement de 6 minutes à 13. Ils se sont pas emmerdés avec les titres de morceaux, hein, ça va de Untitled 1 à Untitled 4. Voilà pour la présentation de Bishop. Et dans la foulée, nous aurons nos bien connus nordistes de Gummo. Ils sortent là leur premier effort studio, entre guillemets, longue durée. Et voilà, ils bénéficient d'une large distribution sur plusieurs labels. Là, on a notamment cité Don't Trust the Hype Records. Ils se sont encore lancés dans une tournée de l'Apocalypse, bien longue, bien généreuse, qui passe à peu près partout. D'ailleurs, j'avais totalement zappé la date, mais ils ont tout simplement joué à Tours samedi soir. Donc voilà, j'espère qu'ils ont eu du monde devant eux aux Canadiennes. Where Was Gondor, coucou la référence, A Fresh Breath on the Neck, ensuite, donc voilà, Gummo c'est des titres assez courts, c'est très très très frontal, donc on s'écoute une doublette dans la doublette, A Fresh Breath on the Neck, c'est d'ailleurs le nom de ce nouvel effort studio, et juste avant ça, on s'écoutera le titre Untitled 4, version réduite pour Bishop, c'est parti pour la clôture de l'aspect française. Love! retour à la diff internationale avec cette chouette parenthèse française. Avec Mastodon, tout d'abord, le groupe assez inqualifiable musicalement, qui nous fait un crossover entre du metal prog et du rock un peu sludgy. Voilà, ils nous sortent là un double album, 15 titres au total pour 1h30 de son. Voilà, c'est leur 8e effort studio. C'est vraiment un mélange unique et, ma foi, bien cool, ce que nous propose une fois de plus Mastodon. Ce nouvel effort s'intitule Hushed and Grim, une sortie déjà disponible. Et en doublette avec Mastodon, on va s'écouter un titre de Bel Accord, groupe de death metal australien, tendance même parfois death prog. Actifs depuis 15 ans, ils sortent là leur 5e effort studio, 8 titres pour 1 heure, donc un album assez généreux. Musicalement, on se rapproche assez de la scène scandinave, type Dark Tranquility ou Insomnium. Voilà, dans une recherche un peu plus prog, forcément. Voilà, donc pour la reprise de doublette internationale, Mastodon, Bel Accord. Mastodon, Savage Lands, extrait de leur nouvel effort studio. Bel Accord, Hidden Window, extrait de leur nouvel effort studio Coherence, déjà dispo chez Napalm Records. Let me gain this. pour attaquer le dernier quart d'heure de l'émission d'aujourd'hui, Sol Sistere pour attaquer la doublette à venir. On est sur du black atmosphérique venu du Chili, actif depuis 2013. Troisième album, une bonne heure de musique, donc encore une fois un album très généreux proposé dans l'émission. On est sur un black atmo assez long, mais bien structuré, bien construit. Voilà, c'est très immersif comme musique, ça se rapproche d'une formation telle que les Anglais de Winterfields, pour donner une référence du genre. Sol Sistere, ils sortent un album éponyme, hein, donc Sol Sistere. Kemis, ensuite, qui sort leur nouvel album studio Deceiver chez Nuclear Blast. Kemis, ça fait quelques semaines qu'on vous le présente. C'est un groupe de doom venu des États-Unis. C'est mélancolique et légèrement épique. Et avant, donc, pour rappel, d'arriver chez Nuclear Blast, ils étaient signés chez 20 Buckspin Records. Pour une petite référence au passage. Sol Sistere, le morceau Unspoken Verb, et Kemis, le titre House of Cadmus. C'est parti. C'est déjà la dernière doublette pour ce soir, parce qu'après on va se quitter avec un groupe tout seul. Pour rappel, hein, on refait une émission en direct dimanche prochain, le 14 novembre. Donc voilà, plein de nouvelles choses à s'écouter à ce moment-là, et puis le retour des petits focus. La doublette de pré-clôture pour aujourd'hui est constituée de Cenotaph, 7e album studio pour le groupe de Brutal Slam Death venu de Turquie, actif depuis presque 30 ans. Rien de spécial musicalement, c'est toujours ultra violent, c'est la grosse tartine de gras et de Brutal Death dans la gorge. Au niveau du line-up d'origine, il ne reste plus que le chanteur. Tous les autres membres, en fait, il y a eu un gros ménage de fait en 2018-2019, et tous les autres, du coup, sont arrivés en 2019, dont un Français, comme on l'a déjà évoqué, Matisse, qui est également guitariste dans Dark Oldslave, le groupe de slam venu du nord de la France, et l'increvable Suisse Florent Duployé, que l'on a notamment pu s'écouter généreusement au fil des derniers mois dans plein de projets extrêmes européens. Voilà pour Cenotaph, et ensuite Dodenzwanger, projet de black international, un all-star band qui est constitué de Balrog par exemple, le batteur ex-membre du Tudor, et surtout Shatrog, tête pensante de Horna et entre autres Sargeist. Voilà, petit all-star band international, ça manque pas d'expérience, ça s'entend, c'est brutal, pesant, malsain, ça fait le job parfaitement bien, donc Dodenzwanger. Cenotaph, Precondition to Eradicate, une sortie Coyote Records, on s'écoutera le morceau titre de l'album, Precondition to Eradicate. Également pour Dodenzwang, le titre éponyme, Serpents of Old, une sortie DBB en Morty Production. C'est parti. Thank you. Allez, on pourrait presque dire qu'on se quitte en se faisant des bisous poisseux et baveux avec Burio, le groupe de Doom Death italien qui sort son nouvel effort studio. Burial sort son premier véritable album après donc quelques démos et EP. Les titres sont à rallonge, hein. Inner Gateway to the Slumbering Equilibrium at the Center of Cosmos. C'est sur le thème de Lovecraft, tiens, comme de par hasard. C'est une nouvelle sortie qualitative sur le label Everlasting Spew Records. Burial, 5 compos qui vont de 5 à 13 minutes, c'est massif, c'est putride, c'est pas mal inspiré par les scènes scandinaves, suédo-finlandaises au passage. Voilà, Dark Womb of Outer Creation, c'est le titre qu'on va s'écouter et avec lequel on va se quitter. Pour rappel, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en direct. Restez bien attentifs sur les réseaux parce qu'on ne sait pas encore exactement quel créneau on aura, savoir si on sera sur du 21-23 ou du 20h-22h30, histoire d'avoir un créneau un petit peu plus généreux selon ce qui sera possible de faire. On vous tient au courant très rapidement dans la semaine, juste avant l'émission de toute façon. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à dimanche prochain. Ciao.